Chapitre 41. Rien du long entretien de Lucie et de Morton n'avait échappé à Dulcie. Les dernières paroles de son ancien fiancé, trop fidèle écho de celles qu'elle lui avait entendu prononcer à Tingley Manor, ne lui permettaient plus de douter qu'il eût dès lors des raisons terribles, écrasantes, pour faire peser sur Sir Everard la plus infamante des accusations. En remontant le cours des derniers 6 mois de sa vie, bien des circonstances propres à confirmer cet horrible soupçon se représentaient à l'esprit de Dulcie, comme les anneaux d'une chaîne de fer. En premier lieu, la résistance faite par son père à la réalisation des vœux de Morton. Ensuite, la rupture qu'il avait exigée d'elle, sans lui fournir aucune explication. Puis, combien son caractère s'était aigri et son cœur refroidi. Le jour où Morton, sous son lit de souffrance, avait repoussé Dulcie avec tant d'amertume, elle ne s'en était pas émue outre mesure, s'imaginant que l'accusation qu'il avait formulée contre son père n'était peut-être que les divagations d'un fiévreux. Mais lorsqu'elle eut appris par Lucy Green que les dernières paroles de sa mère avaient été la terrible confirmation de celles de Morton, tous les ressorts de son âme se détendirent. Elle eût voulu être morte. Dès que Morton eut quitté la chambre de Lucy Green, M. Haldimand s'installa au chevet de la pauvre femme et lui fit la lecture. C'était un chapitre de l'Écriture tout rempli de saintes espérances et de divines promesses. L'effet répondit à l'attente du recteur. Lucie, fortifiée par ce texte consolateur, se mit à le commenter elle-même avec ardeur. M. Haldimand, tout en l'écoutant, entendit des gémissements douloureux, des sanglots étouffés qui partaient de la chambre voisine. Il demanda à Lucie si l'un des enfants n'était pas malade. Elle répondit que non, tout en le priant d'aller s'en assurer. Passant alors dans la pièce à côté, il trouva Dulcie affaissée sur une chaise basse, la tête penchée, les bras pendants, paraissant en proie à une émotion douloureuse, à un trouble profond. « Dulcie, de grâce, qu'avez-vous » demanda M. Haldimand en lui prenant la main. C'était la première fois qu'il se permettait de l'appeler ainsi. « Rien ne soulage plus le cœur, continua-t-il, que de confier ses peines à un ami. Et j'ose dire que vous n'en comptez pas de plus tendrement dévoué que moi. » Il n'est pas de consolation possible au chagrin qui m'accable. De grâce, Dulcie, qu'avez-vous ? Reprit M. Haldimand en la regardant comme s'il eût voulu lire jusqu'au fond de l'âme. Le temps, qui use toute chose, ne peut guérir ma blessure, dit-elle, pendant que de grosses larmes descendaient lentement le long de ses joues. Ah, si je pouvais, par une intervention amicale, fléchir votre père, croyez que je serais heureux de plaider la cause de Morton auprès de Sir Everard, et de le conjurer de ne pas séparer de cœurs si bien unis. Nous avons juré de n'être jamais l'un à l'autre. Nous sommes résignés à notre sort. Ce n'est donc pas ce sacrifice qui est la cause de vos chagrins ? Non, répondit-elle en poussant un long et douloureux soupir. J'ai beaucoup souffert, sans doute, de ma rupture avec Morton. Mais je sens néanmoins que le temps apaisera l'acuité de mes regrets. Que faire, que dire pour vous décider à me confier vos peines ? C'est me demander l'impossible. Pourquoi ne pas m'ouvrir votre cœur, comme moi je suis prêt à vous ouvrir le mien? Parce que le destin me condamne aussi bien au silence qu'à la douleur. Tout en essuyant ses larmes, Dulcie se dirigea vers la fenêtre ouverte, joignant les deux mains et levant vers le ciel un visage suppliant. En mettant tout au pire, reprit M. Haldimand, il nous est au moins permis d'espérer que la vie future vous dédommagera de la vie présente. Cette consolation, cet espoir même, m'est interdit. Dulcie, que voulez-vous dire? Quel est ce mystère? Ah, si le titre d'ami ne suffit pas à avoir raison de votre silence, me permettrez-vous de solliciter un jour un titre plus sérieux à votre confiance? Un mot seulement, Dulcie, si vous m'avez compris, ou tout au moins un regard de pitié. La physionomie de M. Haldimand trahissait toute son émotion. Les joues de Dulcie, en l'écoutant, étaient devenues pourpres. Ses lèvres tremblaient légèrement. « Je vous serai éternellement reconnaissante, dit-elle, des sentiments que vous venez de m'exprimer. Mais je ne puis pas plus encourager vos espérances que si, étant catholique, j'appartenais à Dieu par des vœux éternels. La barrière qui s'élève entre moi et Morton m'interdit également de contracter d'autres liens. Mais si cet obstacle venait à disparaître, si vous recouvriez votre liberté, Morton vous est-il aussi cher qu'avant la rupture de vos engagements ? « Je ne puis répondre à vos questions, » reprit-elle en retirant sa main de celle de M. Haldimand. « Je resterai la fidèle compagne de mon père jusqu'à sa mort. Et alors, j'espère que Dieu m'inspirera ce que j'aurai à faire. Adieu, monsieur Haldermond, adieu. Je suis sûr, se dit-il en la quittant, que le secret qui lui répugne de me confier est celui de son père plutôt que le sien. Puis, ne connaissait-il pas assez le cœur humain pour voir dans celui de Dulcie, sous les feuilles mortes d'un sentiment éteint, poindre le germe d'un nouvel amour ?